C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit les gars d'Another Fallen Hero. Et Maxime Lemaramé nous suggère de la nouvelle musique dans Assemblage requis. Ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce mercredi 9 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Bonjour, Mathieu. Bonjour, François. Ça va bien? Ah, très bien. Pète le feu. Pète le feu, c'est le Oui, pète le feu et ma tête. Pète dans ma tête aussi et veut en sortir. Donc, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, gros plan, chargé comme toujours, mais même encore plus. Un petit peu plus que les autres jours, je pense. Oui, ben tout à fait. On va voir la formation Another Fallen Hero tout à l'heure en studio. Exactement, vers les 7h30 qui vont venir nous parler de leur spectacle qui s'en vient ce samedi. Ensuite de ça, on a Maxime Lemaramé à 8h avec sa chronique Télécharge quoi sur les dernières suggestions musicales. Le gars, il écoute de la musique et il nous en parle. Il l'a fait entendre. Il fait juste ça, écouter de la musique. Oui, et oui. Et en plus, originalité ici, vous allez voir la particularité de C'est fou. Il fait jouer des pièces au complet dans sa chronique. C'est incroyable comme concept. Donner des suggestions musicales que t'aimes et les faire jouer. C'est du jamais vu. À la radio. C'est jamais vu en Mauricie. À la radio locale. À 8h30, on va voir Pierre Soucy aussi qui va venir nous parler d'un sondage. Exactement, un sondage qui se retrouve d'ailleurs sur le site de l'UQTR qui se veut en fait là, pour la relance de la sexologie à l'UQTR. Donc, on en apprend plus. Excellente idée. Donc, c'était le plan de l'émission d'aujourd'hui jusqu'à 9h. Vous êtes à Assemblage requis. On commence l'émission avec la formation Matt & Kim. Voici Silver Tiles au 89.1 FM. C'est fou. Je vais peut-être te laisser leader un petit peu plus l'émission aujourd'hui, François. Tu pourras pas dire que je te laisse pas parler. Là. Je parle. J'arrive. Parle. Stop, boy, you'll be okay, boy. 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. J'aurais pas dû partir sans dire un je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne. Celle que j'utilisais les week-ends. J'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Et les mois ont passé, pas de nouvelles. J'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé qui va pas se lever et claquer la porte. La porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte. J'ai claqué la porte. I clacked the port, I had to sort. C'était carré. Oui, c'est bon, c'est très bon. J'ai claqué la porte de Chromeo de l'album Business Casual 89 FM. It's crazy that. Crazy, crazy, Matt. Crazy, crazy, crazy. Ça, c'est demain. Hein? C'est demain. C'est demain, crazy, crazy. Ah oui, ça. Ben oui, ben si je suis en forme, on verra bien. Hein? C'est, ouais. Avant Chromeo, on a entendu Matt and Kim avec Silver Tiles. Très bonne pièce aussi. Oui, bon bloc. Alors, on va parler avec... on va parler avec... tant qu'il n'y a pas me concentrer sur ce que je dis, juste passer à mon... à mon rhume. Tout à l'heure, on reçoit Another Fallen Hero en studio. On a très hâte de leur parler. Exactement, qui vont venir nous parler, en fait, du spectacle qui s'en vient ce samedi. Oui, le 12 février, à la salle Anaïs à l'heure Rousseau. Mm-hmm. Ici même à Trois-Rivières. Donc, c'est un band de Trois-Rivières. Ils jouent à Trois-Rivières, donc... Ça va ensemble. Exactement, on va les encourager un peu. Mais avant ça, on va aller avec un petit bloc de nouvelles entrées francophones. Tu sais, François, je vais te montrer ça. Tu vas me dire, mais comment ça se fait? Mais gars, dans mes mains, j'ai trois nouvelles entrées. Ça dans doit mes être mains. C'est lourd. Non, mais non, c'est juste un. C'est franc couvert. Ils nous ont envoyé plein de pièces sur ces deux CD-là. Très, très bonne compilation pour la 15e édition. Et on a réussi à en récolter, à en extraire. On a tordu un petit peu les CD. Au-dessus de pour extraire le jus, le meilleur, le concentré. Le concentré. Et puis, on a trouvé trois nouvelles entrées du palmarès là-dedans. C'est assez incroyable. On va entendre tout de suite la formation « Il danse avec les genoux » et la pièce « La grande chef ». On sait que sur la compilation, les deux autres extraits sont celui des incendiaires qu'on a déjà fait jouer ici. Deux fois. Déjà deux fois. On est fort. Et Cardinal aussi, que j'ai trouvé très, très bon quand Danny Janvier l'a joué dans son émission. Mais on commence avec « Il danse avec les genoux » au 89 FM. C'est Assemblage requis. Ça fait drôle de pas parler fort, là, même. D'habitude, je serais comme « Mais, sont des requis! » Non. Ils dansent avec les genoux! Pas trop fort, Mathieu. Pas trop fort. Relax, aujourd'hui. Merci. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Si on y croit, plus demain, on rêvera. Au jour suivant, ou si loin qu'il le faudra. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Maintenant tu dors dans une pièce sans toi. Avec tous tes morts, ça va de soi. J'ai voulu faire un dessin de toi. J'ai oublié ton visage, ça va de soi. J'ai entendu dire que tu te mords les doigts. Et que t'as grossi, ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi, mais je gâche tout, ça va de soi. J'ai longtemps cru que j'étais moins con que toi, mais je te ressens, ça va de soi. Paraît que ton chien est mort dans tes bras. Ton seul ami, ça va de soi. fait longtemps que je me fous de toi. J'ai voulu t'aimer, ça va de soi. Maintenant tu dors dans une pièce sans toi. Avec tous tes morts, ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi, mais je gâche tout ça de soi. J'ai longtemps cru j'étais moins qu'en toi, mais je te ressens, ça va de soi. Jimmy Hunt et la nouvelle pièce Saveur de soi. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone ici à C'est fou 89 FM. Vous connaissez la radio qui est dans qui votre joue radio. Dans votre... C'est un peu ça. Et les palmarès C'est fou, toutes les nouvelles entrées, il y en a une tonne. Je les compte ici, j'en compte au moins une tonne. Et ça a lieu jeudi après-midi à partir de 14h. Hey, merci Matt. Merci Matt. On a présentement en studio les gars de Another Fallen Hero. Bonjour les gars. Yeah, salut. Salut. Ça va bien? Yes, super. Merveilleux. Présentez-vous un peu. Ben écoute, moi c'est Steven, okay. Drummer. Drummer? Ouais. Moi c'est Philippe, je suis guitariste. Ok, merveilleux. Est-ce que vous voulez nous présenter en fait les autres membres du groupe ben là, oui. qui sont absents ce matin, peut-être parce que c'est trop de bonheur? Trop de bonheur, des travaux, le stress, je sais pas. Mais ceci dit, Simon Lavoie c'est le chanteur, on le salue, il devrait nous écouter présentement. Simon Trudeau, le bassiste. Et puis Anthony Paquette, lui qui est le guitariste aussi, le deuxième guitariste, qui est à Montréal présentement. Ok, mais vous êtes des gars de la région? Oui, oh oui, pas mal tout de la région de Trois-Rivières. Ok, merveilleux. Est-ce que vous voulez faire en fait une petite historique là, du Ben? Là? Comment ça a commencé? Parce que j'imagine que ça fait pas non plus des années que ça roule. Ou? Ben le groupe, je te dirais, ça, je pense que ça fait longtemps. Oui, ben en fait, ça fait plusieurs années que le groupe initial est en formation, sauf qu'il y a eu beaucoup de changements de membres, beaucoup de changements de style musical. Puis finalement, en fait, depuis un an, on a cette formation-là. On compte la garder. C'est ça, ça va bien, là. Ouais, c'est le plan de marché, mettons. Là. S'il y en a un qui quitte d'après moi, je sais pas ce que ça donnerait. Ah ouais? On a pogné pas mal notre son à nous, avec les cinq membres. Prends du temps quand même former un son pour un groupe, là. Puis là, c'est ça, mais là, tu dis que ça fait une couple d'années déjà. C'est quoi, vous êtes passé par une différente gamme de sons? Vous êtes... Tantôt, tu parlais punk, là, hors d'onde. Ouais, c'est ça. Au début, c'était plus du punk. Beaucoup d'influence, mettons, de Green Day. Là, okay. Mais on parle des v'là 4-5 ans. Là, OK, ouais. Quand même. Puis plus, en fait, le temps avançait, puis plus ça devenait élevé. Puis finalement, on s'est stancé à un style un peu hard rock metal. Ouais, c'est comme je disais tantôt, un certain niveau. Là, on essaie de garder ça, comment je pourrais dire, du bon rock accessible. Mais avec une touche que les musiciens feraient comme, ouais, c'est technique. Puis à ce moment-là, ben on a un public qui cible quand même. Mais assez général. Ok, tu parles de public cible, tu... Surtout les gens, je vous dirais peut-être 20 ans. Ok. 18, 19, 20 ans, en okay. montant. Là. Mais vraiment... Qui écoute du rock. Exactement, c'est ça. Ok, merveilleux. Et puis, avez-vous déjà tapé un album? Ça fait déjà une couple d'années, donner des shows? Pas tapé un album, c'est sûr que nous autres, on y va tranquillement, façon de parler, là, ça avance de plus en plus vite. On a commencé avec une couple de shows, c'est sûr, comme tous les groupes normaux, mettons, au stage, puis ouais. Encore là, pas bien, ben, mais... on essaie de faire un intervalle, pas trop non plus, pas que le monde s'écœure. Mais à un certain intervalle que le monde ne nous oublie pas non plus. Et puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, on a des shows qui s'en viennent. On y va quand même tranquillement. Le studio, on a tapé quoi, deux, trois tunes à Montréal. Ouais. Dans notre studio à nous, on a un petit studio à nous aussi. On a tapé aussi une couple de tunes. Fait que ça va bien. Là. Puis votre nom, ça vient d'où? Another Fallen Hero. Et on s'est assigné longtemps, mais on s'est tout dit. Mais étant donné Another Fallen Hero, comment je pourrais dire ça? On parlait surtout de les étapes de la vie, tout ce qui se passe. Moi, c'est mon point de vue à moi. C'est sûr qu'on a chacun notre point de vue par rapport au nom, mais en gros, c'était ça. Il y a toujours quelqu'un qui va tomber, quelqu'un prend la place de l'autre. Les étapes de la vie. Chanteur parlerait peut-être plus de guerre qu'autre chose. En tout cas, sans être engagé, là, mais quand même parler des vraies choses parce que ça avance vite aussi. Hein. Parfait. Puis vos influences, vous autres? Influence. Qu'est-ce que vous écoutez, mettons, là, en ce moment? Qu'est-ce qui. Ben, en fait, pas mal tous les membres du groupe, on est tous des fans d'Avenged Sevenfold. OK. Atrio, Hell the Villain. Ouais, écoute-moi, Dream Theater, quand on tombe un peu plus technique. Ouais, plus progressif, exactement. C'est sûr que Iron Maiden aussi. C'est plus Simon, d'après moi, qui serait accès à dire ça. Du bon vieux rock aussi, là. Ça, okay. Ouais, ça ressemble à ça. Un mélange des deux, là, c'est ça, sans être perdu dans le progressif. Là. Il y a des bons riffs dedans. Puis on reste accessible pour les verses, des affaires comme ça. Là. Prenez ce qu'il y a de meilleur dans toutes les... Et voilà. On se mélange de tout, puis faire notre style unique à nous autres pour que le monde se retrouve un peu, mais qu'il y ait du nouveau quand même sur le marché. Là. C'est quoi vos plans? Mettons présentement pour la prochaine année, puis après ça, ben pour les prochaines années, là. Ben c'est sûr que si on parle à court terme, là, juste samedi, le show qui s'en vient, c'est un très gros show pour nous autres quand même à Salonnet-Sousseau. Étant donné que bon, il y a quand même quoi 250 places. On s'apprête, d'après moi, on essaie de faire un sold out, on aimerait ça. C'est sûr pour un premier show de cette grosseur-là, ça pourrait être le fun. Ça c'est vraiment, on est axé sur ça. Après ça, enregistrement studio à Montréal, peut-être un EP, ce serait une bonne alternative. À court, à long terme, tourner au Québec, tourner Canada. International. Ouais. À court terme? Ouais. À court terme, on va essayer de jouer dans un mois, mettons. Après ça, ça va être spatial, tournée spatiale, on aimerait ça. Mais ça, pogner la première partie d'un groupe qui font moto. Ça serait le fun, oui, c'est ça, Québec, ça serait super le fun. Parce que, je sais pas, en fait, qu'est-ce que vous pensez de la scène à Trois-Rivières? Moi, j'ai l'impression, en fait, pour avoir connu... les années avant un peu, il y a beaucoup plus de shows, que ce soit, mettons, punk, metal, ben c'est sûr qu'avec la fermeture du maquillage, ça n'a pas aidé, en partant. Ouais, ça n'a pas aidé. Ça a détruit bien les espoirs de bien des gens. Là. Mais qu'est-ce que vous pensez de la salle? De la scène? Trois-Rivières présentement. C'est sûr que Trois-Rivières, on dirait que tout le monde s'est donné le mot, étant donné que c'est comme tu dis, la scène a, on dirait, arrêté sec. Ben, le monde se dirige vers Montréal, des fois Québec, il y a des belles salles de spectacle à Québec aussi. Fait que le monde, on s'est donné le mot, on essaie de ramener ça à Trois-Rivières tranquillement. C'est sûr que c'est pas facile, pas tout le monde qui embarque dans le projet. Mais... Non, c'est ça, c'est pas facile parce que ça a connu un pic une couple d'années. Et puis là, j'ai l'impression que le rap avec le Festival Urbain, ce truc-là, est très fort à Trois-Rivières. Mais comme le rock, punk... Ça va toujours être un débat, là. Même au secondaire, c'est pareil, le rap. Punk, c'est jamais deux mondes. Ben, tu sais, il y a moyen de les mélanger. Ouais, c'est quand même assez étonnant. Là. Moi, j'en connais des rappeurs qui vont venir nous voir, des chums qui sont quand même ouverts d'esprit, puis qu'ils font, ouais, ça, c'est quand même bon. Souvent, ils vont accrocher sur le drum, là, les beats. Ouais, c'est ça. Je trouve que le monde sont un peu plus ouverts qu'avant, ce qui fait en sorte que, en tout cas, selon moi, on n'est pas totalement mort comme c'est musical. Là. Non, c'est ça. Puis à l'inverse, j'imagine, moi-même, en tant que drummer, j'aime ça jouer avec des. Du monde qui font du beat, des affaires comme ça, c'est le fun à suivre, puis ça fait des belles collaborations, j'imagine. Mais c'est ça, vous êtes pas fermé non plus. Non, c'est ça, non, et de loin. T'sais. Si on venait qu'à avoir des petits riffs un peu plus hip-hop dans du métal, on le prendrait, tu sais. Ça peut rejoindre tout. Oh! Pas d'accord, toi. On s'en reprendra. On fait un autre appel. Cool. Hey, Marie, tu parlais du spectacle qui s'en vient samedi à la salle Anaïs Allard Rousseau. C'est ça, parle-nous un peu, parce que la scène m'a quand même surpris. On voit pas de spectacle de rock, en fait, là. C'est très rare, c'est plus des spectacles populaires, mettons. Exactement ce que je me suis dit, mais ça, c'est pas le scénarisateur qui va être là, qui travaille pour l'Odyssée. C'est lui qui a organisé le spectacle. Fait que je l'ai aidé un peu à prendre le tournoi du spectacle comme ça. Puis effectivement, moi aussi, ça m'étonne qu'on le fasse là. Ben, je me dis, ça va être beau, il y a quand même... C'est une belle salle. Oui, très belle salle. C'est un bon son qu'il y a là-dedans aussi. Ben oui. Il y a un point de vue un peu partout, là. T'as pas moi, quand on est en haut dans le coin... Les gars, vous avez dit, crime, on loue ça, on vend les billets, puis en fait, là, on décolle après ça. Ouais. Vous avez pris ça sur vos épaules, c'est cool. À peu près, ouais. Ben là, on est en collaboration avec un groupe de Montréal, ici, on est deux bands. Autrement, third place. Ouais, c'est ça, third place. C'est pas un choix qu'une première partie, c'est vraiment un show double qu'on s'est dit. Chaque band va donner son une heure de show, une heure et quart de show. Puis on y va avec ça, d'autres ils descendent à Montréal. Très bon ben aussi. Ça, Third Place, ça ressemble à quoi pour les gens en fait, qui connaissent? C'est plus rock ça par exemple, c'est vraiment plus rock accessible. Pop rock, ouais, c'est ça. Comme quoi, mettons, si on peut... Moi ça me fait penser à du Simple Plan dans ce genre. Okay. Peut-être un petit peu plus élevé par bout. Là. Ben, c'est des très bons musiciens, très gentils aussi. Ça va être quelque chose. Mais c'est eux autres qui commencent? Eux autres commencent, nous autres on termine. Le show commence à 8h. OK, ça commence à 8h. Ouais. Je pense que ça finit vers 10h. Ouais, hein, vers 20h. Si vous défoncez, c'est pas grave. Bon, je pense pas qu'on se mette dehors si... peut-être. On verra rendu là. Ouais. Puis c'est une salle, en fait, c'est ça que tu disais tantôt, qui peut contenir 250 à environ, ouais. Places. Ouais. Est-ce que c'est sold out pour... Ben, pas pour l'instant, mais la vente des billets va très bien. Je n'en resterai pas beaucoup à la porte, là. C'est sûr que là, le monde se donne le mot à la dernière semaine, là. J'ai pas mon billet, là. Je vais aller l'acheter. Mais tranquillement, ça va bien. C'est ça, tu parles d'aller l'acheter. C'est où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se le procurer à la salle Thompson, la billetterie. La salle Thompson. Et sur Ovation, le site internet. OK. Alors, on peut visiter votre MySpace pour avoir le lien pour acheter le billet sur Ovation. Ouais, ben, MySpace, Facebook, là, un event qui est fait sur Facebook. Pour ça. Puis... C'est ça, si on veut des nouvelles de vous autres, Facebook, MySpace, on peut retrouver des pièces aussi. Yes. Y a-tu d'autres sites, des pour l'instant, on devrait se mettre à jour avec Twitter un jour, hein, j'imagine. Ouais, ça serait une éventualité. Effectivement. Ben, ça va venir. Oh, ouais, on travaille là-dessus. Là. Puis allez-vous avoir de la merch à vendre? Pas pour ce show-là. Non, on aime mieux axer vraiment sur la musicalité. Pour commencer, pour que le monde nous connaisse, puis c'est du bouche à oreille. Quelqu'un va dire que c'est beau. Ça prend la publicité, mais quand même. C'est du bouche à oreille. Fait qu'on y va, musicalité. Après ça, la merch, ça devrait venir tranquillement, j'imagine. Je suis pas trop inquiet pour ça. Bon. Les petits t-shirts. Les gars, je suis content de vous voir. Vous avez de l'air. Réveillé pour 7h30. Ouais. Non, mais craqué à faire la musique. Oh, oui, c'est sûr. On sait que c'est pas facile non plus ces temps-ci. Puis ça en prend, en fait, du monde qui relance aussi la scène ici même à Trois-Rivières. Exactement. Vous impliquez, vous avez loué une salle. C'est très hot. Avez-vous des choses à rajouter, peut-être? Ou des points qu'on n'a pas abordés, que vous vouliez peut-être aborder? Dire merci à des gens que vous appréciez. Non, je suis en train de me dire, c'est ça. Il faudrait que je dise merci à maman et papa. Ouais, ouais, je leur dis. Je me dis. Ah, mais c'est important, c'est les autres c'est souvent qui. Écoute. Ben, à part de ça, ben non, écoute, c'est vrai, tout le monde est le bienvenu pour ce show-là. Puis c'est sûr que tranquillement, on aimerait ça, comme tu disais, relancer tranquillement Trois-Rivières. Éventuellement, c'est sûr que Montréal-Québec, conquérir ça pourrait être le fun. Puis un petit peu plus loin. Il y a une couple de shows qui devraient venir dans pas long, là. On n'a pas de date précise encore. Mais des festivals à avoir pour les festivals et l'été. Ouais, c'est ça, on essaie de le booker dans toutes les villes aussi, là, Victo, Drummond, vraiment se faire connaître tranquillement. Puis après ça, ben un grand départ, là, maison de 10 peut-être qui pourrait être intéressé. On est ouvert à cette proposition. C'est cool ça, c'est cool les gars. Si vous faites d'autres shows, en fait, gênez-vous pas, la porte du studio est tout le temps ouverte. Peut-être que cette fois-là, Mathieu... Il sera plus présent, oui, c'est ça, merci. On va avoir des billets tantôt à faire tirer pour votre spectacle de samedi. Oui, oui. On va faire ça juste après la pièce, on va entendre « Away ». Oui, exactement. C'est quoi cette pièce-là? Ça parle de quoi? Est-ce que vous voulez... Et ça a pris le chanteur pour lui qui a écrit ses paroles. Ben, la promo, c'est pas mal personnel à lui, c'est vraiment des très bonnes paroles. Quoi qu'il parle, généralement, je sais pas trop, mais c'est une bonne... Mais en tout cas, musicalement parlant, la tune, c'est vraiment... Elle est quand même assez élevée, je veux dire hard rock, mais pas trop non plus. Là. C'est technique un peu. Là, ouais, mais c'est technique. Hein? Guitare, il y a des petits bouts que je retravaille du samedi. Mais non, mais c'est une petite passe un petit peu plus hard rock, mais c'est la style vers quoi on veut s'aligner un peu. Élevée comme ça, avec des bons riffs de rock qui vont accrocher. Tu sais, on perdra pas tout le monde. On essaie de faire un doublé dans le fond. Bonne musique qui accroche avec des petits bouts que les musiciens font. Ouais, c'est. Quelque chose. Cool, parfait. Écoute, on va faire tirer la paire de billets tout de suite. 819-376-5183 pendant la pièce, en fait, là, que ça va jouer. Ouais. Appelez 819-376-5183 pour une paire de billets ce samedi. Ouais. La salle Anaïs à l'heure. De 30$, les deux ensemble. Les deux ensemble. Et voilà. Ouh. Voici donc la pièce Away de Another Fallen Hero à Assemblage Rock. Sur C'est fou. La pièce Away de Another Fallen Hero à Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. On a encore une autre paire de billets à faire tirer. On va la faire tirer pendant la prochaine pièce qu'on va entendre. Oui, qui est le Diamond Rings, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Ça te va? All right. Wait and see. Attends et tu verras. Tout à fait. On dirait que tu me prends de court. Non, ben, je sais pas pourquoi. Ben, qu'est-ce que t'écris? Est-ce que t'écris un roman? Non, j'écris Diamond Rings. D'accord. Bon, donc, un autre paire de billets pour le spectacle de Another Fallen Hero qui a lieu ce samedi, le 12 février. Appelez au 819-376-5183. Et on prend le quatrième appel. Quatrième. Hein? Et... quatrième appel. Something different. How should I know? Whether I should trust my instinct farther than I can throw. Playing with the double dagger, changing the rules, hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. Retaliating with silence, running away in place, chancing upon situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Diamond Rings et la pièce Wait and See à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tout à l'heure avec Maxime Lemieux-Ramé et sa chronique Télécharge quoi sur les nouveautés et ses suggestions musicales du moment. C'est ce qui s'en vient. Et aussi Pierre Soucy avec son sondage sur la sexualité. Oui, un sondage qui se déroule ici même à l'écouteur. Donc, il va nous en parler. Donc, on a de la sexualité et aussi le Pierre Soucy. Et aussi Pierre Soucy. Parce que c'est Maxime qui est sexy. T'as pogné ça, c'est bon? Dans vos oreilles. 89. le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 9 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. François-Olivier Marchand va être avec moi dans quelques minutes pour parler avec Maxime Lemieux-Laramé. Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée de Rara Riot sur le palmarès anglophone. Voici Massachusetts 89 FM. It's crazy in your ears. Moi, c'est plus entre les deux oreilles que c'est crazy, que ça tourbillonne. Bon. Mais vous êtes fait pareil, puis je vous aime. Fait que c'est ça qui compte, non? Ouais. In Massachusetts. In Massachusetts. Yeah. Nouvelle entrée de la formation Rara Riot, c'est Massachusetts sur leur excellent album The Orchard à Assemblage Rocky au 89.1 FM. F-O. F-O, non, non, F-O et M. C'est pas loin du M. Eh, oui, c'est ça, exactement. F-O. T'as l'air que t'es fort. C'est fou, 89.1 F-O et M. Wow. Aïe, aïe. T'es brûlant, Mathieu. Ah, je suis chaud du front. On va accueillir Maxime Lemire-Abbé. Voici sa chronique télécharge, quoi. Ça te va? C'est correct? Oh, oui, c'est parfait. Ouais, okay. Bonjour Maxime, d'habitude tu coupes le cue pour embarquer avant sans attendre c'est mon vrai, signal. Hein? C'est vrai. Ben, il me semble qu'on s'est dit la semaine dernière que je devais attendre ton signal dorénavant. Ah ouais? Et ouais. Toi, t'es pas du genre à suivre les instructions d'habitude, donc je m'attendais Ah oui, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Je suis très discipliné. Ah oui, ben oui. Bon, mais en tout cas, on voit qu'on s'est tous les deux battus avec un peigne un matin. Donc oh c'est ouais, hein? Ouais, hein? Mais toi, est-ce que tu te peignes habituellement? Je me peigne, ouais, mais ouais, c'est un genre, là. Je me avec de tes mains ou avec un peigne? Avec mes mains. Oh, c'est ça. C'est ça. Donc, Maxime Lemire-Amé qui est avec nous comme à chaque semaine pour partager ses suggestions musicales. Oui, exactement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de discuter de musique. Oh ouais? De genre, original, ouais. De genre quand même assez différent. OK. Puis on va même aller dans le hip-hop. Oh. Si ça te convient, Mathieu. Ben non, on n'est pas une émission du hip-hop, là. Fait que je sais pas pourquoi tu ferais ça. Tes anciennes amours? Ouais, mes anciennes amours. Ah, t'étais un fan de hip-hop? Ouais, ben au secondaire, j'écoutais pas mal de hip-hop, Mathieu. Eh ben. Ça paraît dans ton attitude. Ça paraît, hein? Quand tu nous regardes, on a de l'air des objets. Je mettrais pas ça dans la colonne des négatifs. En tout cas, je te mettrais pas ça contre toi. C'est du hip-hop quand même artistique, là. En tout cas, on verra. Ça m'intrigue. Ouais. On verra. Mais je voulais commencer avec The Dodos, groupe que j'apprécie grandement, qui vont sortir un album... quand même prochainement, si le 15 mars c'est prochainement, Mathieu. Hein? 15 mars c'est dans un mois et une semaine à peu près? Bon, mais c'est prochainement. C'est oui. Ben oui. C'est prochainement. C'est pas dans longtemps. Non, c'est à court terme, là. Donc c'est ça, va être. L'album va s'intituler No Color. Et puis je vous fais écouter un extrait tout de suite qui s'appelle Black Knight. Pièce que j'ai découverte cette semaine que j'adore. Donc on écoute ça tout de suite. Télécharge quoi? Dans Assemblage Requis. Je l'écris en dans. Dans, ouais, c'était un petit peu difficile pour ma tête, là, mais. Sur C'est Fou. Sur C'est Fou 89.1, F-O-E-M. F-O-E-M. Yeah. C'est ça. C'est The Dodos avec Black Knight. Deux choses qui ont été nommées en hommage à moi-même aujourd'hui. Je vais faire Dodo puis je vais passer une soirée sombre. Noire. Non, c'est. C'est ça. Supposé jouer. Ça. C'est supposé jouer en ce moment. Ben oui, je l'entends. Moi aussi. On n'est pas fous. And tell Ah! Ah. Mathieu! Ben oui, c'est ma faute, c'est ça. C'est ma faute. C'était The Dodos avec la pièce Black Knight qui va être sur le prochain album des Dodos. Qui sort en mars. Ouais, 15 mars, 15. No Color. J'ai aimé ça, Maxime? Ben, c'est ça. Ouais. Je suis bien content que t'aies aimé ça. Ça finissait avec un peu, je trouve, mais ouais. C'est très bon. J'ai entendu dire, OK, puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais que... Comme toujours. Que le drummer de Dodos, là, en fait, il y a des... Il y a des origines où il y a un penchant vers le métal. Fait que, tu sais, c'est Dominique Michel, hein? C'est ça, la chanteuse des dodos. Est-ce que c'est pas drôle? Hein, je sais. J'ai sacré. Oui, hey, t'as ça. Oh, ben, Colin. On arrête ça là. Aïe, aïe. Ah, mais c'est inacceptable. Désolé. Ben, je peux quitter le plateau si vous voulez. S'il te plaît. Prends le vin et va-t'en avec. Alors, discutons musique et cessons les jurons. Alors, je voulais parler de The Go Team, qui ont sorti un album le 31 janvier dernier, la semaine dernière. Oui. Qui s'appelle Rolling Blackouts. Wow, une chance qu'on a des petits coussins sur nos micros, parce que sinon, ça aurait sonné comme... Rolling Blackouts, parce que je me prépare pour ma chanson hip-hop de tantôt. Testing. Oui. Donc, on va l'écouter Tornado. Tornado, mais avec des points entre chaque lettre. Oui, ce qui rend la tâche de chercher la pièce assez compliquée. Ouais. C'est ça. Ouais, ça a été difficile pour nos recherchistes. Là, de... Oui, nos esclaves dans les petites cages, dans les coins des studios. Là. C'est dur pour eux. Ouais. Donc, ouais. On écoute The Go Team avec... Tornado. Tornado. C'était Tornado de The Go Team. Le beat, ça me fait penser un peu à Beastie Boys. Ah, oui. Peut-être, ouais. Hein? C'est vrai. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, Beastie Boys. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Mais j'écoutais ça quand j'étais jeune. Mais j'avoue que. Bon, OK. Alors, d'accord, c'était une belle tranche de vie, tout ça. C'était issu de leur plus récent album, Rolling Blackouts. Je vais enlever mes écouteurs pour le reste de l'émission. T'as-tu mal à la tête, Mathieu? J'ai le rhume. T'as le rhume? Ouais, rhume. Bon, donc, c'est ça. On a jasé, on n'a même pas parlé de ma prochaine pièce. Non, mais c'est vrai. Ta prochaine pièce, là, c'est là du hip-hop. Ouais, c'est là du hip-hop. Et mieux d'être facile à trouver. Ouais, ben c'est ça. En fait, je pense que le moyen le plus facile d'y accéder, c'est via MySpace. Et ça s'appelle Talib Kweli. Bon, mais merci. On aurait dû en parler avant. T-A-L-I-B. Ouais. K-W-E-L-I. E-L-I. Exactement. K-W-E-L-I. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la pièce? On a jasé. Ah oui, on jasait. C'est ça, on parlait de sommeil. Oui. C'est important, le sommeil. C'est un sujet important. C'est quoi la pièce que tu vas vouloir faire jouer? C'est Ho-Ho. Ho-Ho featuring Ho-Ho. John Gray, Jean Gray. Exactement. Super. C'est exactement ça. Moi, Talib Kweli, je l'ai connu, comme je vous le disais, au secondaire, là, pendant, pendant les, la période de ma vie où je me cherchais une identité. Tu allais à l'école avec lui ou? Non, c'est ça. Talib allait à l'école voisine. OK. Dans Brooklyn. Dans Brooklyn? Ouais, moi j'étais dans le Bronx, lui était à Brooklyn. Oh boy. Ouais. Donc, moi je l'ai découvert, c'est ça, là, dans les années peut-être 2000-2002. Ok, les années 2002, là, ouais, ces années-là. Mais mon album préféré c'était The Beautiful Struggle, qui est issu de 2004. Mais là, on va l'écouter. Ho-ho! Je sais pas comment dire ça. Ah-oh! Ah-oh! Comme le souris sécu dans le temps. Ah-oh! Je suis pas limité avec le rhume, mais... De son plus récent album, Gutter Rainbows. Gutter, c'est quoi, donc? C'est des... Pas des gouttières. Des... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Genre. Ah ouais? Ouais. Fait que Gutter Rainbows, c'est comme un paradoxe. J'imagine. Bon, alors, on écoute tout de suite Talib Kweli. J'arrête de parler. Ouais. Puis okay. On fait play. J'arrête okay. De parler, puis tu fais play. Sur tu la vois, pièce, tu fais déjà des rhymes. Comme au secondaire. C'est... T'en faisais-tu, durant? Non, j'en faisais pas, non. J'en écoutais, par exemple. That is great. Good for you. Okay, ouais. Get out of the way, though. Attention. Thank you. Excuse me. Been a long time. Yes. Shouldn't left you. Without a dope beat to step to say. Shouldn't have left you. Without a dope beat to step to say. The word is back. You heard of that? The word is back. You heard of that? Psychopath, ride a tricycle in a biker's club. Mike Tyson, face tatted at it like it rough. Hey, scatterbrain, don't get your gray matter punched up. Till you hunch talk, talking like you punch drunk. One love, two maybe if I'm drunk enough. Naked watching three painted ladies do the bump and rub. Mean mugging Jean, the heaps call my sugar. Now booking her in the cat skills, like look at her rap skills. She booking the backpack, the nerd in the rat pack. And the Bergerac, you heard of a murder rap. A murder rep to learn it, confirm it and burn its audio. Music for your convertible, use it for burning cardio. Don't use it with burners, they'll find me in your stereo and blame me for the murders. Lock me up and get me carried off. I know I said murder before. Murder, fuck it, murder, make a foe. Insert a learning curve, mine is so high you get vertigo. Assert a girl, inferno blow, eternally superlative. Blindfolded, learn to drive at night up on a girder bridge. Heard a no, Tyler dirt and nervous, the boys are back. Oh yes, the boys in black, the boys is hugs. As rap star, Gina Rockstar. Minus the Pharrell and all the cop cars. Rocks off, lock bars with the realest. In the spot, really, y'all should get on your knees and pray us for forgiveness sake. I said the word is back. You heard of that. I said the word is back. You heard of that. Devil for some FaceTime, the shade time. You never see him coming cause you're faith blind. The mainline, bloods waving flags like canine. Crips throwing gang signs. The beast in the street, barely deep like a canine. Low like the baseline. Gina Qua think like great minds. Crown is on my head, what makes you think that you could take mine? They know they'll never win, but still they racist like a hate crime. Run the track like Tyra and higher learning. We bleeding gasoline, so we keeping the fire burning. We speeding like Vaseline, and we speak for a higher purpose. You believe in magazines that deliver entire sermons. You need some Vaseline, cause your shit is drier than deserts. You never fired a weapon in your life, so picturing yourself as a gangster, the only way that you shoot. And my intelligent design is a product of evolution. So I gotta eat, try to catch phrases just to get at your girl. Create solutions for a digital world. So baby, even when I'm spitting game, I'm adding on. Rappers gone, argue over the dope. I got an acronym for Capricorn. Sensitive, prepared, rigorous, innovative, captivated, ordinary, regular. Nigga just growing daily, a chick going crazy, yo. Handle her like Chelsea lately, rocking the fresh kicks like you felt the baby. Wait till you're done being whack. We got every hand up from the front to the back. If you're wondering why I do the stress in front of your rap, you need attention, dog, there ain't no more money in your rap. So if you're mixing with GarageBand videos on the flip cam, I'm a big fan. You got more heart than breath than Hitman, but shit, damn, it's the pinnacle. It's no better. I'm boasting, but still stay humble, never sin. I'm posting. What is that? Oh, yeah, you heard that. Oh, Pro! Il fallait, désolé. Alors, c'était Talib Kweli avec Oh Oh de son plus récent album Gutter Rainbows. C'était ma passe hip-hop. Oui. La session. Ta passe hip-hop de la session. Ouais. C'est bon. C'était pas désagréable. Non, c'est non, ça, c'était bien. Pas... C'était à peine considéré comme du hip-hop, je trouve, là. Ça, c'était bien trop bon. Je peux pas. Bon, Mathieu. Donc, c'est ce qui conclut. Hein. Oui, ça c'est fait, ce qui Ça fait déjà trois chansons. Que je fais découvrir. Le temps passe vite et la musique est bonne. Ah, Mathieu, comme tu es... Malade. Aimable. Aimable, excuse-moi. Aimable. Et syllabe d'un. Ouais. Donc, on te retrouve la semaine prochaine, mercredi à 8h, pour une autre chronique. Télécharge quoi, Maxime Lemularamé? Oui, mercredi prochain. Mercredi prochain. Il sonnait comme Émilie quand il a dit ça. Oui. Oui. Mercredi prochain. Mercredi prochain. C'est vrai? J'ai essayé d'imiter. À chaque semaine, j'ai imité un autre chroniqueur. Ah oui? Waouh, cool. Ouais. C'est génial, ça. Ouais, bon, ben, à la semaine prochaine. Merci, Maxime. Bye. Bye, bye vaisseau. Bye. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky avec Info et Mathieu sur CFU 89.1 FOM. FOM. Je pense que ça va durer tradition. jusqu'à la fin de l'émission, au moins. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il va falloir l'expliquer à chaque fois. Moi, les blagues, il faut expliquer. Hein. Non. En fait, c'est un peu tout ce que je fais dans la vie. Là. Hey, Mathieu, vers les 8h30, peut-être un peu plus tard, on va rejoindre M. Pierre Soucy, qui va nous parler d'un sondage qui est disponible ici même sur le portail de l'UQTR concernant la sexologie. Ah ben! Hein? Ça va t'intéresser. Ben, c'est sûr! Il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Il fallait. Blague qu'il a jamais entendue de sa vie, j'imagine. Ouais, j'imagine. Alors, tu lui demanderas. C'est sûr. Pas de stress. Donc, on va l'entendre une autre nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Karim Ouellet avec son album Plume. Voici l'extrait Météore sur C'est fou, dans vos ans. La fin de semaine de la Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 h. Sparrow Beach et la pièce Make Go Round in a Mania de leur album The Only Really Thing à Assemblage requis au 89.1 FM. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Oui. Merci Mathieu. Hey, on va aller au téléphone présentement. On reçoit M. Pierre Soucy, chargé de tourisme à l'UQTR. Bonjour M. Soucy, êtes-vous là? Oui, je suis tout le temps là. Merveilleux, merveilleux. Monsieur Soucy, en fait, comme on a abordé plus tôt dans l'émission, venez nous parler d'un sondage qui a lieu sur le portail étudiant. Mais c'est quoi ce sondage-là? Ben, ce sondage, en fin de compte, pour évaluer le désir des étudiants, en fin de compte, savoir quel genre de cours qu'ils aimeraient avoir pour le microprogramme en sexologie des QTR. Il faut dire qu'en 94, moi et deux collègues à l'époque, Jean Hervé et Emmanuel Pénatier, on avait décidé de proposer un programme court, en fin de compte, de sexologie à l'UQTR. Bon, il y a parti en 96, avec le temps, bon an, mal an, évidemment, bon, il y a des, hein, comme d'autres programmes, il y a des baisses, il y a des augmentations, mais là, je voulais, en 2008, de relancer ça. Fait qu'on s'est mis à la table avec le département de psychologie. Bon, il y avait Annick Ferron qui s'est joint à moi, qui est aussi, qui est doctorante en psychologie. Et d'autres gens aussi, la formation continue, qui ont, on a décidé de faire un petit comité, puis évaluer en fin de compte si on pourrait relancer ça. Et le sondage est fait justement pour demander aux gens, mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir? On a fait une banque là, de cours comme ça. Mais c'est beau de faire des cours, mais il faut qu'ils lèvent, faut que ça réponde aux besoins. Il faut que les gens s'inscrivent. Bien, il faut que les gens s'inscrivent, mais il faut que ça réponde à leurs besoins. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va quand même, oui, avant de proposer des cours, on va aller voir c'est qui pourrait s'inscrire. Et c'est pour ça qu'on a lancé ça aussi, pas seulement aux étudiants, mais en même temps aussi aux gens de la population, parce que il y a un article qui a paru dans l'hebdo et dans la nouvelle liste la semaine passée. Et c'est pour tout le monde, en fin de compte, là. Ben, ceux qui veulent, évidemment, s'intéresser à la notion de sexologie, l'intervention sexologique, avoir un peu de culture aussi au niveau de la sexologie. Fait qu'il faut pas oublier que, au Québec, il y a seulement l'UQAM qui donne un bac, une maîtrise et un doctorat en sexologie. Mais il n'y a pas d'autres programmes. Oui, il y a peut-être un micro-programme à l'Université Laval, mais c'est devenu plus un micro-programme en abus sexuel. Mais à part de l'UQAM, il n'y a pas aucune université qui peut quand même donner ces cours-là. Puis on se disait, bien, à l'UQTR, on avait un bon bassin de population, on peut aller rejoindre du monde, on peut quand même donner des services quand même adéquats en sexologie. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas relancer ça dans la région et aussi bénéficier des gens de la région par rapport à ça. Fait que alors, en fin de compte, c'est un sondage, savoir, bon, c'est qui les gens qui voudraient, en fin de compte, s'inscrire, puis quel genre de besoins, quel genre de sujets que les gens voudraient qu'on aborde, en fin de compte. Hein. Dans ces cours-là, parce que, c'est ça, en fait, vous l'avez dit, ça a eu lieu en 96, ce cours-là. Les premiers cours ont commencé en 96, puis au fil du temps, il y avait 6 cours qui avaient été dans la banque. Il y en a qui ont disparu parce que ça faisait plus l'affaire. Puis avec le temps, c'est sûr que la sexologie, ça change, la sexualité, ça change. Mais à un moment donné, on ne s'est pas renouvelé. Puis on attendait que les gens s'inscrivent. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, wow, minute, là, il ne faudra pas que ça meure parce que la sexologie, c'est quand même quelque chose qui tient, qui touche tout le monde, les adultes, les personnes âgées, tout le monde, en fin de compte. Les célibataires, les gens en couple, quoi que ce soit. Puis, je pense qu'on a besoin de plus en plus de parler de sexualité et de façon adéquate de sexologie. Alors donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, on relance ça avec un besoin de revamper, aller chercher un questionnement au niveau des gens qui pourraient s'inscrire. Et moi, je vois dans ceux et celles que j'ai approché, un intérêt vif par rapport à ça. Oui, ben oui, tout à fait. Et en plus, c'est ça, la sexualité, c'est peut-être quelque chose qu'on pense pas souvent, mais ça change. Ah, écoutez, depuis 10 ans, ça a tellement changé. Les modes de rapport, la sexualité, on pourrait faire des cours sur l'homosexualité, la bisexualité, sur les modes sexuels en ce début du 21e siècle, quoique ça fait un bout qui a commencé. Mais vous savez, ça change tous les 10 ans. Et les comportements changent. Qu'est-ce qui se passait dans mon temps des années 70-80, c'est plus là. Il y a d'autres choses. Maintenant, bon, c'est quoi les besoins sexuels, les préoccupations sexuelles par rapport à la nouvelle génération, votre génération? Et on est là-dedans. Mais on est en même dans un univers où on est bombardé d'images sexualisées, génitalisées, qui touche la sexualité, mais qui ne touche pas nécessairement, qui touche un aspect, mais pas l'ensemble de la sexualité. C'est ça. Il faut faire un recadrage là-dedans entre érotisme, pornographie et sexualité. C'est ça, parce que c'est disponible à tout le monde, à n'importe quel âge, ben, avec Internet. Oui. Et puis, en fait, c'est un peu dangereux. Ben, c'est très dangereux. Écoute, c'est un labyrinthe, hein, c'est une boîte de Pandore. Écoute, il y a plus de 75% des internautes qui vont sur des sites de cul pornographiques. Si j'ose dire, il y a quand même un intérêt, une curiosité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit. Et aujourd'hui, avec le téléchargement, on peut faire ça facilement chez nous, dans notre sol, dans notre bureau. Alors non, mais il y a des dangers. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la pornographie. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'érotisme. Les gens, ici, ils ont comme des codifications très, très tortueuses par rapport à la sexualité. Puis, bon, on vit dans un monde où ce que l'éthique sexuelle doit être là. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir mettre quand même des choses à leur place, hein? Avoir une morale sexuelle, pas parler comme un curé, là. Mais quand même dire, il y a des choses qu'on fait avec des gens adultes et consentants, il y a des choses qu'on ne fait pas aussi. La notion du respect, la notion aussi, Tout mettre ça en perspective. Là. Oui, effectivement, effectivement. Puis comme disait ma mère, elle dit, Pierre, elle dit, le cul, c'est fort. En voulant dire que des fois, quand les hormones nous poignent, puis quand la sexualité nous poigne, on peut faire des gaffes épouvantables, n'importe quoi. Fait que donc, moi, je pense que c'est important de pouvoir mettre ça aux... Quand je dis que, bon, c'est pour tout le monde, façon de parler, évidemment, on pourra pas accepter... Il faut quand même des gens qui s'obtiennent quand même leur qualification pour être au certificat. Mais on veut quand même rejoindre tout le monde. Ceux qui ont un intérêt aussi par rapport à la notion sexologie, puis aussi avoir une certaine culture par rapport à ça. Puis je trouve qu'au Québec, on n'a pas de culture sexologique. On a une rectitude politique par rapport à ça. On veut établir un code de comportement. Mais on n'est pas une société où l'érotisme pullue, hein, en tant que tel. Non, c'est sûr. Et on est plus dans la notion de pornographie, comme les Américains, parce qu'il faut dire, les Québécois, c'est une société nord-américaine, hein. Fait que donc, tout ce qui sort des États-Unis, on suit aussi, là. Oui, oui, oui. Et puis, je pense qu'avec le temps, on va en avoir moins parce qu'il n'y a plus de cours non plus. Je pense au secondaire. On veut remettre ça. Okay. Je me souviens, dans les années 90, je donnais des cours, moi, pour les professeurs qui s'en allaient à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke pour aider les gens comment intervenir. Mais là, depuis 15 ans, ça a disparu. Je trouve ça regrettable. Puis, je me dis, mon Dieu, il faut aider. Ça va revenir? On dit que ça va revenir. On insiste que ça revienne. Est-ce que c'est demain, ça va revenir, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un mouvement très fort qui se dessine pour que ça revienne au niveau primaire ou secondaire. Des choses bien faites, donc, effectivement. Fait que donc, il faut que ça revienne, mais en même temps, oui. Je me dis, il faut aussi qu'on ait des notions à l'université. Il faut dire que la sexologie, c'est une science universitaire aussi. C'est une science des comportements sexuels. Et ça fait 60 ans, c'est dans notre société. Fait que donc, il faut quand même en profiter. Est-ce que c'est une branche de la psychologie? Peut-être pas une branche de la psychologie. Disons, c'est relié à la psychologie, mais on peut très bien, quand un domaine d'intervention psychologique fait de la sexologie. Et je pense que dans le milieu qu'on vit en ce moment, où il y a beaucoup de troubles de santé mentale, où il y a beaucoup de troubles de comportement, il n'y a pas de barème à la sexualité, il faut indiquer les choses telles qu'elles sont. Et faut faire le ménage, là. C'est pour ça. Puis je peux te dire, juste écoute, je pense que moi, je vais te dire un peu le site pour que les gens puissent quand même s'inscrire aux étudiants. Oui. C'est www.uqtr.ca/FC comme formation continue, fc.sexologie. Les gens entrent dedans et il y a un sondage. Puis s'ils peuvent répondre en grand nombre, ça nous ferait du bien beaucoup, là. Parfait. Faut pas obligatoirement être étudiant ici à l'université. Non. Non, parce que le sondage a paru dans le Nouvelliste et dans l'Hebdo régional. Mais évidemment, les gens qui vont s'inscrire, là, on veut quand même des gens au moins secondaire 5, puis au moins un peu de cégep. Tu sais, un gars peut arriver, puis bon, dire, moi, j'ai qualification, j'ai le minimum pour rentrer, mais je suis pas dans le domaine d'intervention, mais quand même, je suis intéressé à aller là. Bien, viens-t'en, tu sais, ça va être intéressant pour toi. Et il y a même des... Puis tout ça, ça va être une continue, hein, je veux dire, c'est pour tout le monde aussi en même temps. Fait que donc, on veut pas seulement avoir des gens d'université, mais aussi avoir des gens qui sont qualifiés pour entrer dans le programme cours. Puis je veux plugger aussi, je fais une conférence le 14 février aux Atriums. Ça m'a été demandé. Le 14 février? Oui, à Saint-Valentin. Sur l'histoire des rondeurs féminines. Mais je trouve ça un peu drôle. Moi, ça fait 20 ans, j'écris dans les magazines, hein, puis dans les revues tant québécoises que françaises. Sur l'histoire de la sexualité. Et ça va être un bref cours historique sur comment que dans l'art, on a arrondi les rondeurs féminines. C'est quelque chose de bien fun. Puis avec des photos, du texte, tout ça, des commentaires. Fait que aux Atriums à midi le 14 février. Fait qu'on vous attend. C'est gratuit? Ben oui. Merveilleux. C'est gratuit. Merveilleux. Et puis, c'est tout. En fait, j'avais pas d'autres questions, je pense. Ouais. Ben, tant mieux. Ben, merci beaucoup. Monsieur Soucy, on rappelle l'adresse écuteur.ca/fc.sexologie. Un sondage, comme assez court, là, j'ai d'aller voir dessus, ça se remplit très, très bien. Oui, oui. Donc, uqtr.ca/fc.sexologie. Puis c'est pour les autres hein, qu'on fait ça hein, en même temps. Ben oui. Parce que c'est important qu'on puisse... Puis moi, en même temps, j'avais l'idée en 94-95 avec mes collègues. On avait l'intention de faire de l'UQTR aussi un point centre de l'information, diffusion de la sexologie. Et c'est bon, ça a disparu un petit peu à cause du temps, puis bon, peu importe, là, mais quand même, on voudrait quand même remettre ça à la page, à la mode, puis inciter les gens à pouvoir s'inscrire, parce qu'il y a des besoins dans la région. Et comme je dis, là, comme je t'ai dit, il faut faire du ménage, en mettre les choses à leur place. Fait que, donc, c'est important que les gens aient au moins des connaissances en sexologie. C'est excellent. Parfait. Et puis, la formation continue juste en finissant. Ça partirait quand, le cours? Si... Ah, écoute, on a déjà monté une banque de cours. On commencerait probablement avec 5 ou 6 cours, si ma mémoire est bonne, mais on peut avancer ça. Tu sais, à un moment donné, on voulait faire un programme cours, mais aussi peut-être faire un certificat, mais là, c'est pas arrivé, puis ça sort pas tout de suite. Mais on pourrait, si ça répond bien, puis là encore, là, je fais bien attention, parce que je suis pas, c'est pas moi qui vais décider ça. On avait parlé peut-être début 2012, d'ici un an, peut-être automne 2011, mais ça me surprendrait parce que c'est long, tu sais, à mettre ça, chercher les profs, monter les cours, quoi qu'on avait une banque là, de sujets courts, là, mais puis j'ose pas le dire quel genre de cours qu'on voulait donner parce que je veux pas non plus que les gens prennent ça pour acquis, mais je me dis... D'ici un an, mais à peu près d'ici un an, hiver 2012, en tout cas, j'espère, je me croise les doigts, ça pourrait peut-être arriver d'ici un an. Mais moi, j'avais déjà, en 2008, j'avais parlé de ça à M. Yvan Lucier du département de psychologie, qui était intéressé, il trouvait ça bien fun. À un moment donné, j'ai accroché à Nick Ferron, qui est au doctorat en psychologie, puis qui est une collègue à moi. On s'est vu à un moment donné, puis on a parlé de ça. Bon, OK, ça m'intéresse. Puis de fil en aiguille, on est arrivé en 2010 à former un comité pour faire ça. Et bien, c'est ça. C'est le résultat de 2 ans, 1 an et demi, là. Moi, je voulais quand même relancer ça. Je voulais pas que ce projet-là que j'avais fait à l'époque avec des collègues puisse mourir, tu sais. Ouais. En tout cas, je me dis, ça serait le fun que ça continue, mais je pense qu'il y a de l'intérêt. Puis il y a quand même... quand j'en ai parlé en 2010 à des étudiants, j'en ai un cours à l'UQTR. Le soir, le soir en plein an, puis les gens étaient très intéressés par la formule, puis les gens veulent, puis la part des gens que j'avais à cette époque-là, c'était en psycho, mais aussi de d'autres formations, tu sais, connexes. Et écoute, là, c'est des sujets qui touchent tout le monde, la fantasmatique, l'érotisme, l'étiquité sexuelle, les troubles au niveau généralité masculin et féminin, l'homosexualité... mon Dieu, les déviances sexuelles, hey, on vit dans un monde... Ouais. Il y en a beaucoup? Des tonnes. Ben, disons qu'aujourd'hui, ben, il y en a de la déviance. Oui, il y en a de la déviance. Mais c'est plus sous la couverte. Les gens vont plus par Internet, ouais. Faire des réseaux, tout ça. C'est en catimini, là. C'est ouvert plus ou moins, mais il y a quand même un réseau. Mais il faut quand même dire que ce que c'est de la déviance. Oui. Fait que donc, il y a tout ça qu'on va parler, puis les nouvelles modes sexuelles au début du 21e siècle, tout ça. Oh, c'est intéressant, là. Ouais, ben, je pense qu'il n'y a pas de fin à ça, finalement. Non. Il y a des sujets à profusion et beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités pour ce cours-là qui va être offert, espérons-le, le plus tôt possible. Alors, on rappelle une dernière fois l'adresse, c'est uqtr.ca/fc-sexologie. Monsieur Pierre Soucy, merci beaucoup à vous. OK. Merci. Passez OK, merci, puis bon travail, les gars. Hein. Merci, bien, vous aussi. OK, bye. Au revoir. Merci, bye. Pierre Soucy de la formation continue, cours de sexologie, qui pourrait avoir lieu bientôt. Exactement, un sondage que, d'ailleurs, on peut aller remplir sur Internet. Voilà, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Nous reste encore une petite dizaine de minutes ensemble. On va aller écouter Tokyo Police Club. Voici une pièce de leur album Champ. C'est End of a Spark au 89 FM. C'est fou. Dead, we know. 'Cause when he put you to bed. wingspan in backs of cars. Super glue and paper clips mark the end of an age. The way that your handwriting changed, you should always pretend. Will you just start it? I'll see when. Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Thank you. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête. Il est peut-être, peut-être, peut-être, oui, non, je veux connaître. Le rubicon et la conquête. Quand ma main sur son genou, le genou de Claire. Panache et la pièce Le genou de Claire. On remercie nos invités d'aujourd'hui, Maxime Lemieux-Ramé, les gars de Another Fallen Hero et Pierre Soucy, évidemment. Oui. Demain à l'émission, qu'est-ce qu'on a, François? Demain, on reçoit Simon Fédibé avec le Simon Fédidé. Oui. On reçoit aussi François Landry avec sa chronique Logocratie 101. C'est demain matin dès 7h. On vous rappelle que le happening des Patriotes a lieu ce soir. C'est le grand happening totalement gratuit pour les étudiants de l'UQTR sur présentation de la carte étudiante. Il va y avoir des prix de présence, un concours de l'asso étudiante la plus fan et un après-match au 10-12 avec bataille de DJ et bière des Patriotes. Donc c'est ce soir le happening des Patriotes. Ça se passe à partir de 19h au Colisée de Trois-Rivières. C'est gratuit pour les étudiants. Oh oui, les nouvelles de Radio-Canada suivent. On se retrouve demain matin, 7h. Bonne journée, François. Bonne nuit, Mathieu. Merci, ouais, je vais me coucher. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.